Le plus dur, ça a été de voir tous ces massacres. Ces femmes, ces enfants, décapités à la machette, à la grenade. Cette boucherie qui a été faite, c'est un véritable génocide. C'est scandaleux. Avec 2400 soldats de l'ONU, ils n'ont pas été capables de protéger ni la ville de Kigali, ni la population locale, ni le ressortissant étranger. C'est absolument scandaleux. Quels ont été vos contacts avec la population quand vous êtes parti? Ce qui était scandaleux, c'est que quand on est parti, tous les gens qui nous applaudissaient, qui disaient « Vive la France », c'était ceux qui avaient des couteaux à la main, encore plein de sang, des gens qui venaient d'égorger. J'avais honte d'être français. Rwanda, juin 1994, des Tutsis rescapés.